et attention. Gérard de Suresnes est avec nous. Bonsoir Gérard. Salut, tu vas bien? Comment vas-tu? Ça va. Alors comment s'est passée ton opération? Bien, tout s'est bien passé. D'accord. Donc ça, on le savait, on en a parlé, je crois, c'est jeudi. Hein, ouais, on en a parlé mercredi et jeudi. Ouais. Donc tout s'est bien déroulé. On rappelle qu'on t'a enlevé ta broche avec tes vis dans ta jambe. Ouais, mais justement, donc ça, je vais pas trop en parler sur l'antenne. Ouais, parce que maintenant tout le monde t'appelle Steve Austin à la radio, hein, tous les auditeurs. Ouais, ben, toi le premier déjà, t'as arrêté de parler de ça, ou sinon je t'appelle le macaque noir. Il y a marqué Steve Austin Powers de Nanterre, Gérard de Suresnes, c'est marqué, c'est l'affiche, hein, c'est Fildar qui a marqué ça. Hein. Ouais, ben, Fildar, il ferait mieux de fermer sa gueule, ce petit con là. Qu'est-ce qui se passe, l'homme qui valait 3 euros? Ouais, tu vas voir, toi, l'homme tri, il valait 3 euros. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ben, bon, déjà, c'est pour donner un peu de mes nouvelles, parce que comme l'autre fois, je pouvais pas trop parler, tu sais bien pourquoi, hein? Ouais, je sais bien, ouais. La bière. Bon, donc là, c'est bon. Donc, voilà, donc tout s'est bien passé, donc que les auditeurs ne s'inquiètent pas, et puis tu sais qu'on a l'habitude de me connaître dans les studios, c'est-à-dire toi et toute l'équipe du matin, tout ça. Donc tu vas pouvoir courir. Non, parce que il va sûrement y avoir un petit problème en fin de mois, mais ça on en discutera tous les deux, tu me rappelleras. Non mais je dis courir, je veux dire maintenant, après la rééducation, dans 6 mois, tu pourras courir comme avant. Ah, ouais, après, il n'y aura plus de problème, là. Et puis, Manu et Pilar, ils ont intérêt à bien faire leur petite tête de Macron. D'accord, ok, très bien. Macron. Bon. Donc, tu pourras dire à Manu et à Pilar, parce que... Il paraît qu'ils ont dit jeudi qu'ils venaient te voir vendredi. Est-ce qu'ils sont venus? Non, c'est faux. Ah ben, on dit que oui. Fildar, soi-disant, quand je l'ai dit, il m'a dit qu'il était en panne de voiture. Non, c'est pas ça, en fait. Je suis allé chez le médecin pour le... Tu m'as dit qu'il était allé, en plus. Allô, t'es un menteur. Ah, non, c'est pas bizarre. Tu m'as dit, je suis allé voir Gérard. Non, vous êtes pas venu, c'est faux. Ah non, on n'est pas venu. Tu m'as dit quand tu m'as appelé, quand je t'ai dit je te remercie quand même, tu m'as dit que tu avais un problème de voiture. Tu m'as pas dit que tu avais été voir ton médecin. Non, mais... t'as encore menti pour moi, t'es un menteur. Non, donc, c'était un walibi ça. C'est un walibi. Non, mais de toute manière, fallait pas le dire, moi je le dis. Dans ce cas-là, si vous avez pas de parole, vous restez dans votre coin. Bravo, parce, bien parlé. Je préfère pas venir. Bah évidemment, les gars. Bah parce que là, ils font croire à tout le monde à la radio qu'ils sont venus, qu'ils sont contents, qu'ils sont allés voir Gérard, qu'il est en pleine forme. Ouais, ben là, c'est faux. De toute façon, on a voulu venir. Non, t'étais en panne de voiture. J'étais pas en panne de voiture. Je suis allé voir pour mes oreilles, j'avais un problème à l'oreille. Ouais, t'as un problème à l'oreille, t'as pas un problème au cul ou à la bite. Ouais, bravo, toujours autant en finesse, bravo, à 23h, on peut se permettre la grande classe. T'as pas pu, dis plutôt que t'avais pas envie de venir parce que c'était l'anniversaire de quelqu'un de ta famille. Je comprendrais, mais ne promets pas sur l'antenne comme quoi que vous venez vendredi. Faut pas faire des promesses, vous rendez pas compte le nombre d'auditeurs qui écoutent la radio le jeudi soir. Parce que moi, vendredi, je vous ai attendu. J'ai vu 2 heures personne, 2h30 personne. 3h personne, il y a que Sandy qui est venu me voir. Hein? Bah, si tu veux que je sorte avec toi, tu me le dis. Hein. Non, mais je sors avec toi, je viens de voir. Dans ce cas-là, tu ne promets pas à l'antenne. Tu dis pas, ouais, on vient de voir. Comme Manu il m'a dit, ouais, on vient pour 14-15h. Il est venu, dans Manu. Dans ce cas-là, vous dites pas que vous venez. Dans ce cas-là, vous dites non, vous pouvez pas, vous avez un empêchement. Bah, on ne peut pas le savoir avant. Manu, il voulait venir absolument. Puis il m'a dit, ouais, comme Fildar il s'est défilé, forcément, il n'avait pas de voiture et puis il n'a pas pu y aller, quoi. Bon, que Manu, lui, ce Fildar, je veux bien comprendre. Ouais. Ça reste à voir aussi à prouver. Hein. Ouais, ça reste à prouver parce qu'on connaît bien le Manu, c'est une feignasse. Hein. Ouais, toi, c'est différent. Moi, j'ai pris l'avion pour aller à Toulouse. J'ai joué à Toulouse, moi, ce week-end. J'étais à Toulouse vendredi. Ouais, mais je sais, mais toi, c'est différent parce que toi, avec tes soirées, toi, c'est normal. Voilà, j'ai du boulot. Je sais très bien que t'aurais été le premier à venir me voir. T'aurais été le premier. Tu le sais bien. Hein? Donc, pour Manu et Fildar, Manu, je sais pas si je vais lui pardonner, mais pour Fildar, de manière niette. Non, c'est impardonnable, franchement. Tu sors quand, mon con? Comment? Tu sors quand? Ça y est, je suis sorti, espèce d'abruti. Ah, merde. Bah, s'il devait t'attendre. Parce que là, tu vois, c'est con parce que je suis sorti. Parce que là, normalement, je dois pas trop marcher. Il t'aurait mis une bonne claque. Un bon coup de pied au cul. Surtout que j'ai les béquilles que Sandy en a achetées. Tu leur as mis des coups de béquilles. Ouais. Là, je crois que vous aurez morflé les bandes de crabes, là. Ouais. Bon, en tout cas, l'important, c'est que t'ailles bien, parce que pour les 2-3 auditeurs qui t'aiment bien, ça va bien. Non, mais pour tous ceux qui écoutent, des millions, là. Pour savoir comment que ça allait. Ouais. Personne n'a appelé, c'est con. Comment ça, personne n'a appelé? Bien sûr qu'il y en a qui ont appelé. Moi, j'ai rien eu, hein. Bien sûr. C'était des canulars. Bon, ouais, c'est ça, mon. Ils en ont rien à foutre de ta canne. Bon, allez, Steve Austin, alors donc. Bon, allez, laisse ton son là, ton espèce de canne. L'âme qui valait 3 euros, là. Donc, adresse-toi à ton public qui t'écoute, bien sûr. Donc, les auditeurs qui ont l'habitude de m'écouter, donc, n'ayez crainte, tout s'est bien passé. Donc, c'est bon. N'ayez crainte, tout s'est bien passé. Ta gueule, ton espèce de PD derrière. C'est vrai qu'on a eu peur que t'aurais pu mourir de la jambe, hein. Non, mais de toute manière, faudra qu'on en discute tous les deux, parce qu'il y a sûrement un petit problème pour fin de mois. Mais non, il n'y aura pas de problème. Je t'expliquerai pourquoi. Moi, j'ai vu le médecin, j'ai vu mon médecin, je lui ai expliqué ton problème, il m'a dit que pour les débats, tu pouvais te déplacer. Mmh. J'ai vu mon. Et tu lui as expliqué ce que c'était? Ouais, il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Il m'a dit simplement, ce qu'il faut, c'est venir le chercher en voiture et puis le ramener. Ouais, ben, le problème, c'est que ça n'a pas été évident. Ouais, mais moi, elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Surtout si tu m'envoies. De toute façon, on vient avec ce que m'a dit Filda, il m'a dit qu'on venait avec le break d'Henri. Ouais. Bon, c'est les... suffit avec ça. Ah ouais, mais c'est Fildar qui me demande de t'en parler. Bon, alors Fildar, il va se faire en papaouté chez les Grecs, parce que les Troyens, c'est des bons arrières en football. Et Saint-Etienne était match nul pour toi, mec, si t'as pas. Si, j'ai suivi l'affaire, y a pas de problème. Bon, bah Gérard, donc, l'important déjà, c'est que l'opération a eu lieu, qu'elle s'est bien passée, que maintenant t'es sorti du lit d'hôpital, enfin bon, maintenant t'es en convalescence et en rééducation, et que maintenant t'es sorti du bloc, quoi. Bah disons, le plus dur, c'était que, bon, c'était vrai que fallait que je passe, parce que j'aurais attendu une semaine ou 15 jours de plus, je crois que ça aurait été un petit peu plus grave que ce que je pensais, hein. D'accord. Ok, très bien. Bah écoute, on va essayer de... On se tient au courant, et puis on tiendra les auditeurs au courant de la suite, hein, bien sûr. Hein. D'accord. Ben, de toute manière, tu me rappelles quand tu veux, même si tu veux me rappeler après Madame Nocturne... Non, pas après Madame Nocturne, mais si tu veux me rappeler demain... Ouais. Tu peux, hein. D'accord, ok. Ça, c'est prêt pour la fin du mois. Allez, vas-y, cours. Allez, Forest. Allez. N'importe quoi, lui. Voilà, t'as sauté, c'est bien, bravo. Gérard, je t'embrasse et tu quittes pas, je te repasse quand même. Tu préfères pas la Noémie? Ouais, donne-moi Noémie. Dis-moi. Noémie qui n'a demandé aucune nouvelle de toi. Par contre, Noémie, elle est restée pour ça, elle a été très discrète. Non, mais j'écoutais. Non, mais même avant d'écouter, quand il s'est fait opérer, tu nous as jamais demandé des nouvelles de Gérard, t'as jamais voulu. Non, mais j'ai pas de voiture. Parce que Noémie aurait pu se déplacer aussi. J'ai pas de voiture. Attends, c'est quoi le métro? C'est quoi le métro? C'est pourquoi? C'est pour les chiens? Ouais, mais ouais. Moi je prends pas le métro, je prends le bus d'abord. Mais il y a des bus, hein, pour aller voir Gérard. Bah ouais, il y a des bus. Ouais. Ah ouais, faut avoir envie, hein, Noémie, mais elle a pas voulu. Les bus désinfectés. Je m'excuse, mais... Gérard, je suis désolée. Ouais, Noémie, je viendrai la prochaine fois pour l'autre jour. Non, t'inquiète pas, je vais t'avoir en antenne, toi. Ça marche. J'ai un petit compte à régler avec toi. Ah, c'est quoi le problème? D'accord. Bah, là, tu sais très bien. C'est quoi? Je vois pas. Son âge sur les routiers. Ils attendent toujours son courrier. Je te l'ai envoyé. Quand? Je te l'ai envoyé, j'ai pris ton adresse, je vous ai réveillé un matin, toi et Sandy. Enfin, ouais, je crois que tu vers 14h. Oui, voilà, ça devait être ça. On l'a envoyé. Je te l'ai envoyé, j'ai ouais, mais la vraie, je crois qu'elle l'a envoyé à l'adresse de Suren. Ah. Mais non, c'était la bonne adresse. Par contre, Max, oui. Essaye, si tu peux, de me rappeler sur les coups du Nord, parce que j'ai quelque chose... Vas-y. Bah écoute, je vais voir, hein, d'accord. Si tu peux. D'accord, ok, y a pas de problème. Je voulais seulement rassurer Noémie, de toute façon, tu pourras aller voir à l'hôpital quand ils se feront retirer la plaque de l'anus. Il a une plaque dans l'anus. Toi, tout à l'heure, ça va pas être la plaque de l'anus que tu vas te faire retirer. Ça va être la plaque, mon poing dans ta gueule et une béquille dans ta gorge. C'est bien, profites-en pour leur donner un zizi ou un anus bionique. Ah ouais, un zizi bionique. C'est un zizi qui pisse du laser. Ouais, c'est ça. Si tu veux, je peux t'envoyer, je sais pas moi, un matelas pneumatique. Ouais, cherche tes blagues et rappelle. Copine à la belle étoile. Très bien. Ouais. Et comme disait si bien Noémie, on viendra pour l'autre jambe. Ouais. Ouais, ben, c'est ça. J'espère qu'il n'y en aura plus d'opérations. Là, bien sûr, c'est tout le mal qu'on souhaite. Bonne bourre à toi et tu quittes pas, je te repasse Noémie, d'accord? Ok. Allez, bonne bourre à toi, Steve Austin. Ciao, Max. Ciao. Allez, hop. Ciao. Allez.